Chambre de Violette, acte 3, première scène. Tout comme Violette, j'arrive à la seconde et dernière partie de ce spectacle. Je doute que tu puisses arriver à temps, mon amour. J'ai besoin de purifier mon âme et de laisser tomber les arias.